Chapitre 35e. Anatole avait voulu mettre à profit les propositions d'aide qui lui avaient été faites par le colonel, et plusieurs fois il était venu annoncer à son cousin qu'il avait trouvé une position telle qu'il le désirait. La première fois, il s'agissait d'une association dans une direction de théâtre. Jusque-là, ces directions, il est vrai, avaient assez mal marché, mais cela tenait à la gêne des directeurs. Leurs bénéfices s'engouffraient dans les intérêts de ce qu'ils devaient et dans les frais de poursuite. Mais le théâtre était bon. Avec une mise de fonds, on dégageait la situation et l'encourait à la fortune. Le cher cousin avait répondu à cette ouverture qu'une telle position ne pouvait convenir qu'à un homme de théâtre. Il avait refusé d'être, sous le nom d'Anatole, le bailleur de fonds, attendu comme le Messie par de pauvres diables à bois. La seconde position trouvée par Anatole avait été celle d'associé dans une agence de course, et cette fois encore le colonel avait refusé, en expliquant un peu plus longuement que s'il voulait bien aider son cousin, c'était à travailler et non à spéculer. Enfin, deux jours après, Anatole était de nouveau revenu à la charge. L'affaire était superbe et sûre, une maison de photographie faisant un chiffre considérable de bénéfices. Cette fois, le colonel s'était montré disposé à ouvrir sa caisse. La photographie était un travail, et jusqu'à un certain point, elle se rapprochait des premières occupations d'Anatole. Il n'avait mis qu'une seule condition à son concours, qui était que le vendeur dirigeait la maison pendant une année encore, de manière à former Anatole et à l'initier à tous les secrets de son métier. Mais celui-ci ne l'entendait pas ainsi. Il voulait être maître tout de suite, et pour le métier, il jugeait inutile de l'apprendre, son intention formelle étant de diriger sa maison et non d'opérer lui-même. À ce mot, le colonel avait resserré les cordons de la bourse, et Anatole s'était alors fâché. « Ma foi, mon cher cousin, avait-il dit en prenant son ton dégagé, si vous voulez me faire travailler pour gagner sûrement de l'argent avec moi, je ne serai pas votre homme. Renonçons donc aux affaires. Je vois que nous ne pourrions pas nous entendre, nous n'en serions pas moins bons amis, au contraire. » Mais c'était là un mot peu sincère. S'il riait des lèvres, au fond du cœur il était assez vivement dépité. Aussi ne se gêna-t-il pas pour dire partout et tout haut que son cousin n'était qu'un ladre et un esbroufeur. À quoi Raphaël répliqua que ce qui lui arrivait était bien fait. Pourquoi aussi voulait-il travailler? Est-ce qu'il était bâti pour ça? Il voulait donc se ranger, devenir un bon bourgeois. Peut-être pensait-il à se marier. Ah, quelle bonne tête il aurait en père de famille, avec sa femme au bras et ses enfants marchant devant lui. Et elle lui avait ri au nez. Cette réponse avait été aussi, à peu de choses près, celle de son ami Coulouvray, le fameux fourrier, dont le juge d'instruction avait parlé au colonel. Introuvable pour la police, le fourrier n'était cependant pas impalpable, et pour ses amis, de même que pour ses employés, c'était le nom qu'il donnait à ceux qui travaillaient sous sa direction, il était visible tous les jours impair dans une maison de la rue Montorgueil, en plein Paris. Seulement il fallait le découvrir, et cela était assez difficile, grâce aux précautions compliquées dont il s'entourait. C'était dans un bureau de placement, dont la direction était à lui, qu'il recevait ses employés, et ce bureau avait son entrée rue Montorgueil. Mais le fourrier ne passait jamais par cette entrée, et toutes les surveillances qui avaient été organisées avaient constaté les allées et venues de jeunes gens, de jeunes femmes, ce qui était naturel dans un bureau de placement, sans avoir jamais aperçu le fourrier. Et cependant, tandis qu'on le guettait à la porte, il était là, tranquillement installé dans son salon de réception. Bien entendu, il n'y tombait pas du ciel et son moyen n'avait rien de miraculeux. Il consistait tout simplement à entrer dans la boutique d'un marchand de vin de la rue Marie-Stuart et à sortir par une crèmerie de la rue du Petit Lion. Lorsqu'il avait fondé son association, le fourrier était parti de ce principe que si la police met la main sur une bande de voleurs, c'est le plus souvent parce que cette bande est mal organisée, ou plutôt parce qu'elle n'est pas organisée du tout et qu'elle opère au hasard, de sorte que la lutte est à peu près impossible contre un ennemi dont la force principale est justement l'organisation. Il avait donc voulu parer à ce désavantage, et les premières affaires qu'il avait faites avaient servi à lui constituer des fonds de premier établissement. Tout d'abord, il avait loué un appartement rue Montorgueil, sous le nom d'une femme dont il était sûr, et dans cet appartement, il l'avait installée comme directrice d'un bureau de placement. Ce bureau était la base de son industrie. C'était lui qui devait fournir des renseignements de toutes sortes sur les domestiques aussi bien que sur les maîtres. Sur un écusson à fond rouge, on lisait en lettres blanches « Maison de confiance ». Madame Rouspineau, indispensable à la bourgeoisie, au commerce, à l'enseignement, à l'industrie de tous les corps d'État, pour le placement du personnel qui leur est utile. On répond de la probité et de la moralité de chaque employé. Qui se fût douté, en lisant cette belle enseigne, que dans la pièce la plus reculée de ce bureau se tenait un des plus dangereux bandits de Paris? C'était quelque chose d'avoir un salon pour recevoir ses complices et combiner tranquillement avec eux les bons coups à faire, tandis que tant d'autres n'ont que l'abri d'une carrière ou d'un pont. Mais ce n'était pas tout. Il fallait arriver à ce salon par une autre porte que celle qui servait aux complices, car du jour où la police pourrait constater que le fourrier, dit grain de sel, dit la prestance, avait des relations dans ce bureau, tout serait fini. Heureusement pour lui, le quartier se prêtait parfaitement à cette combinaison. Le pâté de maison, en effet, qui se trouve rue Montorgueil, entre la rue du Petit Lion et de la rue Marie-Stuart, est peu épais, de sorte que quelques maisons de la rue Marie-Stuart joignent celles de la rue du Petit Lion. Il avait donc pu s'assurer une entrée dans l'une de ces rues et une sortie dans l'autre. Pour cela, il n'avait eu à faire que des travaux peu importants qui étaient restés inconnus des concierges et à placer à sa porte de sortie des gens à lui. Tout cela s'était si bien exécuté qu'il n'y avait pas un de ses complices qui sut par où il arrivait dans son salon de la rue Montorgueil ni par où il en sortait. On soupçonnait que dans une alcôve fermée se trouvait une porte secrète communiquant avec une maison voisine. Mais cette alcôve ne s'était jamais ouverte devant personne. Jamais on n'avait pu voir si cette porte existait ou n'existait pas. Seulement, ce qui rendait son existence probable, c'était le soin avec lequel l'alcôve était fermée. On ne met pas une serrure fichée à une porte rien que pour enfermer un lit. C'était dans ce salon que le fourrier avait reçu Anatole, lorsque celui-ci avait été lui rendre compte de son échec auprès du colonel. Le fourrier ayant proposé cette affaire, il était juste qu'il fût informé l'un des premiers qu'elle n'avait pas réussi. Pour arriver auprès du fourrier, à l'heure à laquelle les affidés savaient que le maître était à son cabinet d'affaires, il fallait d'abord s'adresser à Madame Rouspineau, la directrice du bureau de placement. Après avoir échangé avec elle le mot de passe qui était renouvelé chaque fois, celle-ci entrait dans sa chambre, puis de sa chambre elle passait dans le salon du maître et elle adressait à celui-là la demande du visiteur. Si le maître répondait qu'il pouvait recevoir, le visiteur était introduit. Si au contraire la réponse était négative, il était renvoyé un autre jour. En entrant, Anatole avait trouvé le fourrier assis devant un guéridon en train de se préparer un gros gorum. C'était un homme de 38 à 40 ans, de haute taille, large d'épaule, plein de force, et méritant très justement par sa façon de se tenir, la tête haute et le buste développé, son surnom de la prestance. Cette tête avait une physionomie arabe, avec un nez aquilin, des lèvres épaisses et des yeux noirs dont le regard était dur. Ses cheveux étaient coupés courts, son visage était soigneusement rasé, et sur ses joues s'étalait une large ligne bleuâtre allant d'une oreille à l'autre, comme on en remarque chez les prêtres et les comédiens. « Eh, ma belle !» dit le fourrier, quand Anatole eut achevé son récit, « tu n'as que ce que tu mérites. Comment ? Tu es assez chose pour aller avouer hautement que tu ne veux pas opérer toi-même ? Mais pense donc que si ton cousin t'a proposé de te fournir des fonds pour t'acheter un établissement, c'est à condition que tu travailleras de tes propres mains. Ah, zut alors ! Bon, ça se dit tout bas, ces choses-là, mais ça ne se crie pas dans les oreilles d'un homme qui croit que le travail est moralisateur. Car tu sais qu'il veut te moraliser, ton cousin américain. Et voilà ce qui explique sa générosité. Il trouve que tu es gênant pour le nom qu'il porte. Il a peur de quelque éclaboussure. S'il t'avait casé dans une bonne position bourgeoise, où tu aurais à travailler du matin au soir, il aurait été plus tranquille. Il ne faut pas lui en vouloir. Je ne lui en veux pas. Tu es bon enfant. Et j'avoue qu'à ta place, je prendrai la chose avec moins de philosophie. Que m'importe ? Comment que t'importe ? Tu es le cousin d'un homme qui a plusieurs millions de revenus. Cet homme vient à Paris. Il t'appelle près de lui et il te propose de te donner à travailler. Et tu es content ? C'est de toi-même que vient l'idée de cette maison de photographie. C'est-à-dire que te voyant décider à devenir un bon bourgeois en boutique, j'ai pensé à te faire acheter cette photographie, parce qu'il pouvait être utile à mes intérêts d'avoir là quelqu'un qui me serait dévoué, car tu m'es dévoué, n'est-ce pas, ma belle ? Mais je ne te demande pas de protestation. J'ai mieux que ça entre les mains pour m'assurer ton dévouement. Quand même l'idée te prendrait d'être ingrat envers ton bienfaiteur. Je dis donc que j'ai pensé à te faire acheter cette photographie. Mais si j'avais été ton cousin, je ne me serais jamais imaginé de t'offrir à travailler. Aussi, je te le répète, Je suis épaté de ta philosophie. Et que ferais-tu à ma place? C'est sérieusement que tu me le demandes? Mais certainement. Tu me demandes ce que je ferais. Si j'étais le cousin d'un homme qui a plusieurs millions de rentes, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas marié, et dont par conséquent je serais l'héritier naturel, eh bien je vais te le dire. » À ce mot, il pressa la boule d'une sonnerie à air. Presque instantanément, la porte s'ouvrit, et Madame Rouspineau parut sur le seuil, où elle s'arrêta respectueusement. « Adélaïde, dit-il, donne-nous donc de l'eau chaude et un verre, puis tu nous laisseras. Et si l'on vient pour me voir, tu diras que je ne puis pas recevoir. J'ai à causer avec Anatole, sérieusement, longuement, et je ne veux pas être dérangé. Qu'on attende. » Madame Rouspineau était habituée à une obéissance orientale. Entendre, c'est obéir. Une minute après avoir reçu cet ordre, elle revint avec une cruche en porcelaine pleine d'eau bouillante, et l'ayant posée sur le guéridon, elle sortit et ferma la porte.